Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Victor et je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission Éclat de Lumière, l'émission radio du magazine Lumière en Art de cette année 2025. Alors que les fêtes de fin d'année se rapprochent, que les rues nancéennes se parent de leurs plus belles guirlandes et que les marchés de Noël ont ouvert leurs cabanes depuis quelques semaines, l'équipe de Lumière en Art et moi-même vous propose donc une émission spéciale patrimoine et culture pour ce mois de décembre 2025. Avec nous aujourd'hui pour discuter du patrimoine et de la culture à Nancy et ses alentours, nous avons donc quatre jeunes femmes membres de l'association culturelle, membres de l'association Carré Culturel à Nancy, excusez-moi, qui est une toute jeune association dédiée à la culture et au patrimoine nancéen. Je salue pour commencer donc cette émission Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir. L'autre Léa, parce que nous en avons deux ce soir autour du micro. Bonsoir, bonsoir Léa. Noé. Bonsoir. Et Lucie. Bonsoir. En plus d'être de brillantes étudiantes, et je ne dis pas ça parce que je les ai côtoyées durant mes longues études, elles fournissent également un travail de qualité sur les réseaux sociaux, comme en témoigne leur publication récente sur le week-end de la Saint-Nicolas à Nancy, une vidéo qui était instructive tout en restant légère et humoristique. Avant d'évoquer avec elles, donc tout au long de cette émission, la culture et le patrimoine à Nancy, nous allons donc prendre un petit moment pour vous remercier, vous, chers auditeurs de Fadjet, puisque vous nous écoutez tous les deuxièmes jeudis du mois depuis maintenant 2 ans. Et je tiens à vous remercier pour vos retours très positifs sur le début de la saison 2 de cette émission. Cette émission donc qui a connu un renouveau au début donc de cette saison 2025-2026, ce renouveau a été une grande réussite, avec des épisodes marquants, que ce soit donc avec le président du Nancy Jazz Pulsation ou encore donc sur la programmation de la manufacture que nous avons évoquée pendant une heure le mois dernier. J'ajoute que vous pouvez évidemment écoutez donc ces émissions sur le site de Fadjet en podcast. Vous pouvez également nous retrouver donc sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, mais aussi et surtout sur le site donc Éclat de Lumière, hein, le site internet que vous pouvez retrouver donc toutes les émissions en replay. Vous en avez maintenant donc l'habitude depuis quelques temps. Nous commençons toujours cette émission par vous décrire un petit peu donc les invités, ce qu'elles font. Et surtout, donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi de les inviter? Donc, c'est le concept donc, du spectre des invités. Pour commencer, donc, je vais vous poser très simplement la question que l'on pose au début. Est-ce que chacune peut me redonner son nom et son prénom, s'il vous plaît? Peu importe l'ordre. Alors, je m'appelle Noé Garelli. Ok. Léa Grand. Lucie Sebald. Et Léa Hubo. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites dans la vie, même si je crois que vous avez à peu près toutes le même parcours. En tout cas, vous êtes toutes au même stade dans vos études, il me semble. Alors c'est ça, on est actuellement toutes les quatre en Master 1, valoriser les patrimoines historiques à l'Université de Lorraine. Très bien. Et comment est-ce que ça a un peu commencé? Ça, c'est pour un petit peu mettre en bouche nos invités. Pourquoi vous vous êtes finalement retrouvé là toutes les quatre cette année, en version délocalisée à Nancy, un petit peu plus loin, pas forcément à l'université comme on a l'habitude de le voir, parce que vous êtes délocalisé pour travaux en ce moment. Alors, pourquoi vous êtes-vous retrouvé là-bas? Bah, tu parlais de mise en bouche tout à l'heure, je pense que ça fait une belle transition, parce qu'en fait, le programme est né dans une soirée soupe. Ça ne m'étonne pas. On a décidé de manger ensemble un soir et... Et en fait, on faisait un peu un état des associations à la fac sur le campus. Et on se faisait la réflexion qu'en fait, culturellement, il pouvait y avoir quelques manques par-ci, par-là. Alors, soit remettre en question les actions culturelles des différentes assos qu'il y a déjà sur le campus. Mais en tout cas, dédiées au patrimoine et à la culture historique, il n'y en avait pas, voire ou alors très peu. Et en fait... Après cette réflexion-là, on s'est dit, puisqu'il n'y en a pas, pourquoi on ne ferait pas quelque chose nous-mêmes? Et on s'est penché là-dessus et c'est comme ça que l'asso est né. Et c'était il y a longtemps ça ou c'était récent cette soirée, cette fameuse soirée c'était soupe? C'était en octobre, quelque chose début octobre, je crois. Ouais, donc ouais. C'est vraiment une association qui est extrêmement récente. Est-ce que vous avez un élément d'inspiration au quotidien, une personne, quelque chose qui vous a inspiré pour vous lancer dans ce projet ou pas du tout, vous vous êtes lancé en vous disant ça sera ma patte et ce sera comme ça et puis c'est tout? En inspi, je dirais pas tant. Après, on met un peu de chacune dans le projet, en fait. On a un peu chacune notre vision des choses et on se raccroche un peu chacune a notre manière de voir les choses. Donc, c'est nous-mêmes notre inspiration. C'est vous-même votre inspiration. C'est beau. C'est très beau de vous inspirer entre vous, finalement. Hein. On le sent bien dans les vidéos, d'ailleurs. Hein. Je reconnais un petit peu l'humour, le montage, etc., etc. Et alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ça, c'est très important. On va le répéter tout au long de l'émission, mais pour que nos auditeurs aient un peu un aperçu, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, j'ai évoqué un petit peu la page Instagram, mais est-ce qu'il y a autre part? Alors, pour le moment, on n'est que sur Insta. Je sais pas si tu veux continuer. Ouais, en ce moment, on est majoritairement sur Instagram, pardon, au @cariculturel.nancy. On a aussi ouvert une page TikTok qu'on va peut-être chercher un peu à développer par rapport aux réels qu'on met sur Insta, peut-être les mettre sur TikTok derrière. Ouais, ça fonctionnera bien. Et après, on n'a pas trop réfléchi à d'autres plateformes pour le moment. On a une adresse mail et je sais que là, on est en train de faire les papiers pour devenir une asso de la fac et on aura on pourra être retrouvé en fait via Internet, via les plateformes associatives de l'Université de Lorraine. Mais à part notre mail, Insta, on va faire une page Facebook aussi parce qu'on peut la lier au compte Insta, donc c'est quand même assez pratique. Ok, sinon, donc va quand même y avoir un lien avec l'université. Hein, ce qui était, ouais. Ok, très bien. On va revenir un petit peu donc, sur la genèse de ce projet, sur ce que vous avez déjà proposé sur Instagram, mais aussi donc, sur vos futurs projets. J'espère que vous nous en dévoilerez un petit peu plus au fil de l'émission. On va se laisser un petit instant avec un premier morceau, un morceau qui est très connu, c'est le numéro 1 sur toutes les plateformes d'écoute en ce moment. C'est évidemment Mélodrama de DC's et Théodora, très bon dernier album de DC's au passage. J'allais l'écouter. On se retrouve dans un petit instant sur Fadjet, c'est l'émission Éclat de lumière. À tout de suite. Blessé, baisé, VGT dans le TGV. Dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal alors que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne. Page pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime un homme pas deux. Tu me donnes le bleu d'hiver. J'suis dans un étoile mais j'repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes bras. J'ai jamais vraiment été ta valentine. Ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. Je suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Je suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta valentine. De De retour donc sur Fadjets, vous êtes avec nous pendant une heure, c'est l'émission Éclat de Lumière et je reçois pour cette dernière émission de l'année 2025 l'association du Carré Culturel Nancéen, quatre jeunes femmes qui ont décidé de se lancer dans une association ces dernières semaines et que vous pouvez retrouver donc sur Instagram. On va rentrer un petit peu plus en détail alors sur cette association et pour commencer, alors vous l'avez déjà un peu fait avec cette fameuse anecdote de la soirée soupe, mais moi j'aimerais savoir un petit peu comment vous vous êtes un peu rencontrés autour de ça, parce qu'il y a quand même quelque chose avant cette soirée soupe. Comment vous vous êtes connus? Comment vous avez eu donc cette idée d'association autour de ce bol de soupe finalement? Comment est-ce que vous êtes connus par rapport à ça? Alors déjà, on peut dire qu'on s'est retrouvés toutes les quatre dans la même classe à la rentrée. C'est déjà plus facile pour faire un lien, je pense. Ça aide. Force est de constater que ça aide, ouais. Et ensuite alors? Après, concernant l'associatif, avec Léa, on était déjà dans l'associatif oui. depuis plusieurs années, en fait, à la fac. Donc, c'est un domaine aussi, bien que ce soit un BDE, c'est pas la même forme, parce que nous, on n'est pas un BDE, on est vraiment une asso culturelle. Et pour le coup, on avait déjà un peu la patte là-dedans, et c'est pour ça que ça nous est venu assez instinctivement, l'association. Après, on se connaissait pas rapidement entre nous, mais ouais, c'est vraiment le fait d'être dans la même promo qui nous a plus liés qu'autre chose, quoi. On peut considérer que l'associatif, ça vous manquait un petit peu, peut-être, ou pas du tout. Je parle surtout aux Léa, du coup. Bah oui, non, parce que ça prend du temps, ça permet de concrétiser des projets, donc c'est assez satisfaisant. Mais en même temps, ça peut justement prendre beaucoup de temps, notamment en parallèle des études, donc il y a du aussi mal à trouver un juste milieu. C'est ça, parfois. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu partir sur une toute autre forme d'association, d'où le fait d'insister sur le fait que ce n'est pas un BDE. Et on est une asso collégiale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rôle attribué, on fonctionne tout, on se répartit. Ah, c'est important de préciser ça, ouais. Et pour le coup, ouais, pour l'administration de l'asso, c'est pas pareil du tout, et aussi pour la charge de travail, en fait, c'est beaucoup plus facile à gérer, je trouve. On peut considérer que... est-ce que, dès maintenant, même si l'association, on l'a dit, est assez jeune, est-ce que déjà, je pose la question, parce qu'on sait que Fadjet, il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent, est-ce qu'on peut déjà adhérer à cette association ou pas encore? Alors, a parlé de lien avec l'université. On réfléchit justement à mettre en place un système d'adhésion, parce qu'encore une fois, comme on n'est pas un BDE, on ne cherche pas à faire rentrer de l'argent dans nos caisses, j'ai envie de dire. Donc on est en pleine réflexion autour de ce sujet et là on est en train de gérer un peu les questions administratives, donc pour le moment on peut rien vous affirmer. On réfléchit à mettre en place une adhésion peut-être à prix libre ou une non-adhésion, mais on ne s'est pas arrêté encore là-dessus. Ouais, ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard le temps que ça se structure. Et alors, on l'a dit, donc vous êtes dans des études, vous faites des études en master qui sont en lien justement avec ce patrimoine. En quoi ces études, elles vous ont aidé à vous structurer, que ce soit en termes de connaissances, d'idées ou quoi que ce soit? Est-ce que ces études ont eu un impact sur vous, à part le fait que vous êtes rencontrés là-bas, évidemment? En fait, je pense, après ça c'est que mon avis, mais pour le moment, il n'y a rien de ce qu'on a fait dans l'asso qui peut être associé à nos études. À part peut-être le fait qu'on a des cours de valorisation du patrimoine numérique, etc. Donc ça peut rentrer là-dedans. Après, c'est plus une démarche globale. C'est-à-dire qu'on est dans ce master-là parce qu'on veut travailler dans la valorisation du patrimoine. Et donc, l'asso rentre dans cette ligne directrice-là. Mais nos cours en eux-mêmes ne nous ont pas aidés pour ce qu'on a fait. Après, la connaissance de nos profs, la connaissance de on a des acteurs culturels locaux qui viennent dans nos cours, etc. Forcément, c'est un plus. C'est des gens avec qui on peut discuter, avec qui on peut trouver des idées, etc. Mais les cours en eux-mêmes ne nous apportent pas grand-chose pour le projet associatif. D'accord. Alors, on va rentrer un petit peu au cœur de ce que vous avez déjà fait. On parlera un peu plus tard de vos projets. Je suis tombé par hasard sur votre vidéo sur Instagram. J'en ai appris beaucoup, j'ai beaucoup rigolé, j'ai regardé un petit peu le compte, ce qui m'a donné envie de vous inviter aujourd'hui. Racontez-moi comment elle naît, cette idée de faire une vidéo sur la Saint-Nicolas à Nancy, sur le week-end de la Saint-Nicolas. Et surtout, comment vient cette idée de vous voir patiner sur la patinoire de Nancy et de la place Carnot? En fait, pour l'idée du, de parler de la Saint-Nicolas, c'est justement parce qu'on arrivait au week-end et on s'est dit que c'est vraiment un thème en Lorraine assez important. On a tous grandi avec le Saint-Nicolas, on l'a toutes fêté à l'école ou en famille. Et on s'est dit que là, comme tout à Nancy tourne autour, que ce serait intéressant d'en reparler, de refaire une piqûre de rappel pour tous ceux qui ne connaissent pas. Et oui, on a fait déjà un post où on rappelait la légende d'un niveau plus historique et plus... légende, et on s'est dit que ce serait quand même intéressant de montrer comment ça se retranscrit dans la ville, au marché de Noël, et puis avec le programme de tout le week-end, et d'interviewer un peu les gens pour voir ce qu'ils en pensent. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que beaucoup de gens à qui on a demandé, mais qu'on n'a pas pu interviewer, ne connaissaient pas la Saint-Nicolas. Ah oui, vous êtes tombé sur des gens qui ne connaissaient pas la Saint-Nicolas. Vous n'êtes pas de Nancy, vous n'êtes pas de Lorraine, et du coup on s'est dit, voilà, c'est parfait, on peut... On peut en parler. C'est aussi en parlant avec les gens de notre classe qu'on s'est rappelé que la Saint-Nicolas, c'était principalement en Lorraine et que beaucoup ne connaissaient pas la Saint-Nicolas. Donc nous, c'était un peu fou pour nous, parce que on a grandi avec ça quand même. Donc on a trouvé ça assez intéressant et pertinent de le présenter, parce qu'on s'est rappelé que tout le monde ne connaissait pas eux. Puis même pour ceux qui connaissent, le fait que les fêtes de Saint-Nicolas soient inscrites au patrimoine culturel immatériel français, c'est un point qui est quand même assez... c'est impressionnant. Et nous-mêmes, on ne le savait pas forcément. Et en fait, on est tombé là-dessus. On s'est dit, c'est quand même dingue, quoi. Parce que du coup, c'est assez important. Et le choix de la vidéo, c'était aussi pour ramener ça d'un côté un peu plus léger aussi qu'un format vraiment... très, très pro, etc. Nous, on est étudiantes, on voulait aussi se faire plaisir en faisant ce genre de vidéo. Vous faites plaisir, on le voit là, mais c'est très important. C'est très important. Pour le coup, c'était intéressant à tourner, je trouve, parce qu'on a essayé de mêler justement le côté plaisir et le côté où on faisait du sérieux quand même. Quoi. Et alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que vous avez écrit quelque chose avant avec un texte, appris quelque chose, ou vous avez un peu improvisé sur le moment où vous vous êtes dit, oh là, ça pourrait être sympa de faire ça, puis de faire ça. Je me doute qu'il y a certains moments, on pourra le rappeler après, où il y a des intervenants, on reviendra dessus après. Mais comment vous avez fait justement ce squelette pour cette vidéo alors? C'est plutôt en se baladant en vrai dans Nancy, on est passé devant des lieux, devant des endroits, on s'est dit, ça serait sympa de faire un plan ici, de parler de ça. On avait quand même un peu une idée globale de ce qu'on voulait faire et du rendu final qu'on voulait. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout de script écrit, on cherchait quand même à être assez naturel dans la vidéo, parce que je trouve que c'est quand même un exercice stressant, c'est nouveau pour nous en tout cas. On n'est pas des comédiennes. Le passage à la vidéo, c'est ça. Bien sûr. Donc on voulait pas apprendre un texte par cœur, on voulait que ça soit assez naturel. On avait quelques idées des lieux où on voulait aller, un peu emblématique du marché de Noël, la patinoire, puis évidemment la place Stanislas. On ne pouvait pas passer à côté pour la vidéo. Mais c'est vrai que pour le texte, il y a eu beaucoup de prises ratées, beaucoup de rires là-dessus. Est-ce qu'un jour on pourra avoir un blooper sous J'ai prévu de le monter dès qu'on a fini les examens. Je compte le faire, le bêtisier. Allez voir, parce que ça, à mon avis, ça va valoir. On rigole déjà avec les prises réussies, alors les prises ratées. Peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de chute en patin, malheureusement. J'ai une super vidéo de Noé qui patine en arrière. Michael Jackson, Et du coup, dans cette vidéo, donc il y a un certain nombre d'intervenants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire qui ils sont, ce qu'ils vous ont un petit peu présenté, appris? En fait, ça s'est fait sur le coup. C'est-à-dire qu'on est passé, et puis, parce que comme l'asso est récente et que la Saint-Nicolas, c'était quand même très proche, on n'a pas eu nécessairement le temps. Je pense que pour les prochains projets, on prendra plus le temps de contacter des intervenants, de ces choses comme ça. Typiquement, il y a l'office de tourisme qui apparaît dans la vidéo. On y est allé, on était en milieu d'après-midi, vraiment. On y est allé au culot. Okay. Et on leur a dit, voilà, on leur a présenté le projet, on leur a dit que, évidemment, ça finirait sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même important d'en parler. Le droit à l'image. Et on a eu un petit échange avec la dame de l'office de tourisme et puis on lui a demandé si elle était OK, on a crédité l'office de tourisme, etc. Et ça s'est fait comme ça pour tous les gens qu'on a vus. Après, c'était surtout au marché de Noël. On a interrogé. Ah, il y avait la patinoire aussi. En fait, on a eu un très bon contact avec un des messieurs qui travaillait à la patinoire. Et puis, on est revenu lui demander. Et puis, il a trouvé ça sympa. Il a participé. Pareil pour la confiserie des Hauts-de-Vosges. En fait, c'est des gens avec qui on a discuté et on leur a proposé. Ils étaient partants. Et puis, ça s'est fait comme ça. Comme quoi le culot fonctionne. Oui, c'est clair. Franchement, c'est pris beaucoup de refus. Hein. Ah ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de refus. Ne citons pas les personnes. Et alors, est-ce que vous avez un lieu à recommander ici à Nancy et dans les alentours? Léa, tu ne réponds pas, Metz, d'accord? Je sais. Pour aller donc par voir, par un peu par visiter, par temps de fêtes, justement, pas pour ces fêtes de fin d'année de Noël. Compliqué comme question, hein, je vois des yeux qui se lèvent. Le marché de Noël de Metz, c'est le deuxième plus beau de France. Mais Nancy est sympa aussi. En vrai, moi j'avoue que j'aime bien faire le tour en passant de la place de la Carrière jusqu'à la place Charles III. Je trouve que le parcours est quand même assez sympa. Ils ont fait des décos dans les rues, etc. Donc, j'ai pas d'endroit en particulier. En général, en fait, quand je vais au marché de Noël, c'est pour me balader et pas pour me poser à un endroit. Donc, j'avoue que tout l'ensemble, en fait, l'ensemble vieille ville de Saint-Èvre, Carrière, jusqu'à la place Charles III, je trouve que c'est très complet. Voilà. C'est une plutôt bonne réponse, mais allez quand même à Metz, parce que le marché de Noël est vraiment très sympa. Et alors, maintenant qu'on a l'association qui est lancée, il y a quand même un poste où il y a donc quand même pas mal de vues, il y a des commentaires, etc. Quels sont un petit peu vos projets pour la suite? Est-ce que vous souhaitez pour le moment rester uniquement sur ce format un petit peu réseaux sociaux, par l'écrit, par la vidéo, ou est-ce qu'il y aurait un projet plus tard peut-être de radio, peut-être podcast, peut-être une exposition en partenariat avec l'université, ça peut se faire aussi aujourd'hui. Est-ce que vous avez des idées, un petit peu de projets comme ça, peut-être qui ne sont pas encore en chantier, mais des idées qui vous traversent la tête et que vous aimeriez donner aux auditeurs? Bah ouais, bien sûr, déjà au niveau des réseaux sociaux, nous on a envie de fonctionner un peu sous forme de série. Par exemple, là, la série numéro 1, c'est la Saint-Nicolas. Et on aimerait proposer d'autres séries. On a réfléchi un peu sur des thèmes comme la gastronomie. Toujours local. Important, ouais. Toujours local. Présenter différents châteaux en Lorraine. Je sais pas si on a d'autres thèmes. Non, pour l'instant, on en a prévu deux pour les prochains numéros sur Insta. Après, on envisage des choses en physique, par exemple des cafés débats, des rencontres, des conférences, des ciné-débats potentiellement pour essayer de faire ça au niveau universitaire aussi, parce que le projet principal, c'est si on peut toucher à l'extérieur, c'est super, mais c'est aussi pour ramener la culture et le patrimoine sur le campus, quoi. Pour réanimer un petit peu ce campus qui est délocalisé pour plusieurs années, il me semble maintenant. Mais alors, je vais quand même vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la culture et le patrimoine à Nancy sont pas forcément bien représentés ou accessibles, ou en tout cas comme vous le souhaiteriez? Question difficile. Genre, témoigne le silence. Moi, je trouve que les acteurs du patrimoine à Nancy. Après, c'est peut-être parce que on a une vue plus directe vers le patrimoine, etc. Mais enfin, je trouve pas ça. Je trouve vraiment pas ça inexistant, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font en écho. Ouais. Typiquement, là, j'y pense parce que c'est super récent. Mais le défilé de la Saint-Nicolas qui était en lien avec l'Art déco, qui est en lien avec du coup l'anniversaire de l'Art déco, qui est en lien avec l'exposition des Beaux-Arts rouge, et avec le jardin aussi. Oui, éphémère, ça. Et en fait, il y a tout un thème et on le voit pas forcément, mais c'est omniprésent dans la ville. Et pour le coup, je trouve que il y a de quoi faire. Je trouve que c'est ok. Vas-y. C'est bien représenté, mais à chaque fois que j'en parle, par exemple, avec ma famille qui vient pas forcément de Nancy, à chaque fois ils redécouvrent et ils sont très contents que je leur en parle. Donc que c'est bien représenté, mais que pas tout le monde y a accès au premier abord. Ouais, c'est ça. Et en même temps, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma ou les musées, il y a quand même pas mal de possibilités, et surtout qui ouvrent beaucoup aux étudiants, justement. Mais il faut quand même s'y intéresser pour le savoir aussi. Il faut faire un premier pas. Un premier pas, quoi. Et je pense que vous êtes un très bon relais pour faire justement ce premier c'est pas. C'est le but. Bah ouais, je me doute bien. On va se laisser pour une petite interlude musicale. Alors avant juste de passer ce morceau, Léa, est-ce que tu veux en dire un mot, puisque c'est toi qui me l'as suggéré pour cette émission. Donc ça s'appelle Dramatique par Aaron. Est-ce que tu veux en dire un mot? Alors Aaron, c'est une jeune artiste. Je crois que là, elle est basée sur Paris. Et pour le coup, elle est assez montante. Là en ce moment, c'est une fille qui fait de la musique française, donc un peu plus un peu moins médiatisé parfois. Je ne saurais pas quoi dire de spécial, si ce n'est qu'elle a sorti un projet qui, il y a 2 semaines, je crois, qui est plutôt très cool. Et je conseille. Voilà. Alors n'hésitez pas à aller jeter une oreille donc, sur ce dernier projet de Aaron, ça s'appelle Dramatique. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission et de la discussion avec l'association du Carré Culturel Nancéen. A tout de suite pour l'émission Éclat de Lumière. Les yeux tout noirs sous l'averse, à regarder les autres qui perdent le contrôle. Ils m'avaient tous averti. J'ai joué, j'ai eu des vertiges. Maintenant je fais l'inverse. Entre nous c'est interdit. Je m'en rappelle plus que de l'odeur de la veille. Les nœuds dans le ventre qui me disaient que t'es ici, ici. C'est moi qui t'ai essayé. Pourquoi avec toi tout est dramatique? Je te demande, tu peux voir ma tête dans les magazines. Je t'écoute plus, c'est saladif. Je me regardais dans tes yeux, c'était maladif. Pourquoi avec toi tout est dramatique? Je te demande, tu peux voir ma tête dans les magazines. Je t'écoute plus, c'est saladif. Je me regardais dans tes yeux, c'était maladif. C'était donc Dramatique par Aaron, petite intermède musicale. Donc vous êtes toujours sur Fadjet pour l'émission Éclat de Lumière, où je suis donc avec les membres de l'association donc du Carré Culturel Nancéen, où nous allons donc poursuivre la discussion autour donc de leur projet. Et justement, quelle est votre collaboration de rêve à Nancy? Un lieu avec lequel vous aimeriez tourner une vidéo, faire une publication? Allez-y, c'est le moment. Peut-être qu'ils nous écoutent et que vous aurez l'occasion d'obtenir un partenariat comme ça. Et ben moi, en tant que danseuse classique de formation, j'ai envie de dire, je parlerai de l'opéra de Nancy. Mmh. Ouais. Je pense que ça serait assez cool de proposer un format avec eux, peut-être une espèce de visite ou même de peut-être proposer des tickets ou une séance à l'opéra en groupe. Je ne sais pas encore, mais ouais, je parlerai de l'opéra. Ouais, et puis c'est aussi un truc qui peut être sympa à partager aux étudiants, parce que bon, l'opéra, il n'y a pas tout le monde qui y va. Ouais, ça paraît inaccessible pour beaucoup. Ouais, alors que les tarifs sont quand même assez... Et même au niveau des étudiants, il y a pas mal de tarifs. Ou peut-être même une visite, comme vous évoquiez quelque chose en réel, organiser une visite ou en direct ou quoi que ce soit, ça pourrait être une bonne idée s'il y a des gens de l'opéra qui nous écoutent. S'il vous plaît. Super sympa. D'autres idées? Ça a été dit, on en avait déjà parlé tout à l'heure, mais forcément, moi, l'autre canal, la scène musicale, c'est un truc qui... C'est hyper important dans la culture, la musique, et ce serait trop génial. Alors, sous quelle forme? Peut-être des tickets, une visite Pourquoi pas ou même la présentation de manière générale, comment fonctionne la scène. Il y a aussi tout l'aspect historique des bâtiments, en fait, de l'autre canal, qui était une ancienne usine, je crois, où c'est un côté de la ville qu'on connaît un peu moins aussi. Pourquoi pas une mise en valeur du coin de... Comment le bâtiment est passé de sa fonction industrielle à au final on pourrait faire un numéro là-dessus sur la reconversion de certains espaces en lieu de concert, je pense à ça, mais on peut parler Lucie des Trinitaires à Metz, même si on n'est pas sur Nancy, c'est pareil, ancienne chapelle qui devient un lieu culturel, un lieu de musique, donc on pourrait faire un numéro là-dessus. Mmh. Et puis et peut-être se greffer à un de leurs ateliers. Je sais qu'ils proposent c'est clair. Pas mal d'ateliers les week-ends pour les enfants ou les adultes. Peut-être voir avec eux pour faire un espèce de partenariat par rapport à ça. Ah, ce serait super si vous nous écoutez. Contactez-nous. Il y a peut-être une chance. Hein. On a reçu. Mais quand on sera solide sur nos appuis, je pense qu'on contactera, parce que à la base c'est ce qu'on disait, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans nos statuts, dans tout ce qu'on a mis partout, c'est qu'on veut mettre en avant la culture et le patrimoine local avec les acteurs du patrimoine, en fait, les acteurs locaux. C'est aussi ça. Je sais qu'à la fac, on va être en contact avec la médiathèque de Vendeuvre, etc. Parce que justement, on ne veut pas faire ça toute seule dans notre coin, mais on veut élargir ça, faire rencontrer vraiment des gens, etc. Construire un réseau. Ouais. Et ça veut dire quoi? Parce qu'il y a une expression qui m'a un petit peu interpellée. Être solide sur les appuis, ça veut dire encore un peu de temps, un petit peu de ce truc d'organisation. Pour être très honnête, on a été validé par la préfecture cette semaine, hier ou avant-hier. C'est bien, regarder première émission de radio la même semaine. C'est exactement ça. En fait, on ne s'arrête jamais. Non, mais c'est en fait, on a encore beaucoup de choses à mettre en place. Et je pense qu'à partir de 2026, ce sera vraiment bien. Là, on se laisse la fin du mois de décembre pour finir tout ce qui est administratif, l'assurance, la banque. parce que c'est quand même une grosse partie, mine de rien. Et je pense que à partir de 2026, on devrait prendre contact avec des acteurs locaux. Ok, d'autres idées de projets? Moi, je sais que depuis le début, j'avais proposé le fait d'accompagner les étudiants, justement, plutôt dans des visites guidées vers la Villa Majorelle, le musée de l'école de Nancy, parce que l'Art Nouveau, c'est un peu central à Nancy. Ça amène beaucoup de tourisme, etc. Mais ce n'est pas forcément les étudiants qui y vont. Et d'autant plus qu'on peut y aller de manière plus ludique. Je sais qu'il y a des visites guidées chantées ou parfumées. Et c'est forcément quelque chose qu'on ne fait pas forcément On soi-même. Pense pas. C'est ça, c'est donc... En même temps, ça paraît bizarre, hein, une visite parfumée. Moi, j'ai du mal à concevoir. J'ai fait une visite. Mais on va tester. Moi, j'ai fait du théâtre itinérant. On a visité tout un arborium au CCM. C'était sur les hauteurs de Nancy. C'était très intéressant. On peut être surpris par des intitulés de temps en temps. En fait, j'ai aucun doute là-dessus, mais une visite parfumée pour un musée. En plus, typiquement, je ne sais pas où c'était, à la Villa Majorelle ou au musée de l'école. C'était au musée de l'école. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est parfumé, mais... quand tu vois la disposition du musée, j'ai du mal à l'imaginer. Tu te demandes comment ils font. Mais justement, c'est super. Il faut qu'on va aller... j'allais dire, comme ça, vous pourrez faire plein de stories. Ouais. Super pratique, parce qu'en fait, quand on fait ça, c'est-à-dire que nous-mêmes, on peut faire plein d'activités culturelles et pour nous. Je pense qu'il y a côté... Et on sent vraiment que vous êtes très épanouis avec ce nouveau projet-là, parce que ça permet énormément de sortir, de découvrir aussi de nouvelles choses. Je pense que vous êtes quand même des personnes assez curieuses, non? Donc ça doit... Et en plus, pour nous, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est pas trop un projet prise de tête, dans le sens où on est vraiment nous-mêmes et on cherche pas à être pro ou... Ouais, on amène nos propres centres d'intérêt pour les faire découvrir au monde, au final. Donc, on veut faire une story, on fait une story, on veut faire ce poste, on fait ce poste. Ouais, c'était une crainte un peu au début que ça soit un peu prise de tête à ce niveau-là, je veux dire, d'avoir un entrechoc d'univers ou pas du tout. Non, parce que on s'apprécie, donc on savait que ça le ferait et on est sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses, donc on savait que ça le ferait. Mais c'est vrai que ça peut être une crainte peut-être au niveau universitaire de se sentir peut-être un peu légitime, alors que nous, à côté de certaines assos, on est nous-mêmes, donc je sais pas, ça peut-être freiner certains profs peut-être, je sais pas, donc... D'accord. Et au niveau... Alors... Vous avez parlé d'événements culturels à Nancy, de lieux, de vos collaborations de rêve. Mais alors, j'en ai oublié un. Ah, alors vas-y avant que je pose. Je reste dans le même suivante. Thème, mais Nancy Jazz Pulsation. Évidemment. Alors Nancy Jazz Pulsation, pour le coup, nous écoute. Alors ça, c'est une certitude. Donc, invitez-nous. pour le coup, c'est vraiment. Je sais que dans notre passé associatif, etc., je sais qu'ils ont des liens avec les associations, notamment pour avoir des billets moins chers pour les étudiants, ce qui est absolument génial. C'est vrai que c'est un festival, mais en plus qui est mythique. Limite, on peut en parler comme d'un événement, d'un monument du patrimoine nancéen, même si c'est récent. C'est c'est un monument nancéen, donc ouais, évidemment, le Nancy Jazz Pulsation. Mais quand on a eu le président il y a 2 mois, quelque chose comme ça, ils avaient évoqué justement le fait que c'était, on peut le dire, le principal festival d'automne. Hein. Ça, c'est bien sûr. C'est une certitude. Quand je pars en vacances et que je dis que je viens de Nancy, beaucoup me parlent de Nancy Jazz Pulsation. Ah ouais, c'est vrai. C'est une institution. C'est une institution. Mais parce que vous avez parlé donc pas mal de lieux avec lesquels vous aimeriez collaborer, mais est-ce que de quoi vous autorisez-vous à parler, en fait? Parce que vous parlez beaucoup culture, sortie, mais est-ce qu'on va pouvoir aussi trouver du contenu? Je sais que vous êtes des fans de musique, de séries ou autres. Alors, de quoi aimeriez-vous parler? Est-ce que vous allez vous limiter justement à cette culture parce qu'on est sur quelque chose de local, ou est-ce que vous allez vous autoriser à parler aussi de choses que vous aimez d'un point de vue culturel, tout simplement? Je pense qu'on va rester pour le moment dans le local, mais on peut quand même lier à des choses qu'on aime, quoi. Enfin, si on parle, on peut parler d'architecture en se basant sur l'architecture locale. La musique, il y a des choses qui sont très intéressantes musicalement parlant à Nancy, des événements ci ou ça. On peut parler de plusieurs choses. Après, je pense qu'on se limitera pas, mais on parlera. Moi, je pense que pour le moment, on est assez local, mais ça ne nous empêchera pas de parler d'autres choses, etc. etc. Enfin, l'objectif, c'est de se faire plaisir avant tout. Ouais, c'est ça. Alors, pour finir, on va le répéter encore une fois, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Redites-nous, les réseaux sociaux, tout, c'est le moment de faire laquelle votre promotion. allez-y, c'est le moment. Alors, on a un compte Instagram, c'est carréculturel.nancy, et on a aussi un compte TikTok du même nom. Et sinon, comme Léa l'a dit tout à l'heure, quand on arrivera à être une association liée à la fac, on pourra nous retrouver aussi sur le site internet de toutes les associations de l'Université de Lorraine, et ça redirigera tous les curieux sur notre compte Instagram. Pour l'instant, l'épicentre, c'est le compte Instagram. Oui, c'est ça. On a une adresse mail aussi, au cas où, pour le contact. Elle est retrouvable, parce qu'on a un Linktree sur notre compte Instagram. Qu'on repartagera sur les réseaux de Lumière en Art, hein, à l'issue de l'émission, bien sûr. Ouais, du coup, on a dedans tous nos réseaux actuels. On l'alimentera en fait au fur et à mesure si on devra rajouter des choses. Et surtout, il y a notre mail pour n'importe quel contact en soi. Merci beaucoup pour avoir partagé avec nous pendant ce temps cette passion de la culture locale à Nancy. De toute façon, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, on va évoquer un petit peu plus vos derniers coups de cœur culturels, ce que vous avez apprécié d'un point de vue musical, littéraire, cinéma, etc., vers la fin de l'émission. Mais pour le moment, c'est l'heure de l'agenda local de Éclat de Lumière. L'agenda local d'Éclat de Lumière. Alors, ce mois-ci, nous allons un petit peu tricher mes compagnons du magazine et moi, puisque nous vous avons évoqué un certain nombre d'expositions le mois dernier. Ce mois-ci, nous allons plutôt vous parler de ce que nous avons apprécié pour vous permettre d'avoir une première liste un petit peu de cadeaux pour Noël, hein, puisque les fêtes s'approchent, on l'a dit dans cette émission, c'est la dernière de l'année. Nous avons donc quelques recommandations culturelles à vous proposer pour donc cette fin d'année. La première étant, évidemment, on en a déjà parlé à ce micro, le prix Goncourt 2025, La Maison Vide de Laurent Mauvignier aux éditions de Minuit. C'est un ouvrage conséquent, hein, tout de même, 744 pages d'une quête magistrale au cours du XXe siècle où Laurent Mauvignier plonge dans les traces donc de sa famille et va un petit peu à la quête de cette grand-mère qui est coupée sur toutes les photographies dans sa maison d'enfance. C'est un livre impressionnant, c'est une enquête donc qui tient le lecteur en haleine pendant les 744 pages qui composent le livre. On passe par toutes les émotions, joie, terreur, colère, énervement, etc. Et c'est vraiment un livre qui est à mettre entre toutes les mains. C'est le grand livre de cette rentrée littéraire, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. Au niveau donc des BD et des albums, c'est le retour de Mathieu Bablet qui publie donc un nouveau roman graphique aux éditions Rue de Sèvres qui s'intitule Silent Jenny. Dans un monde qui est un petit peu bouleversé en ce moment, vous n'êtes pas sans le savoir, au niveau du 9e art, cette nouvelle bande dessinée, donc c'est la nouvelle bande dessinée de l'auteur de Carbone et Silicium, qui est une série culte d'un point de vue donc des BD. Silent Jenny prend racine dans un futur assez lointain où les hommes vivent vivent dans des vaisseaux villages, alors que les insectes pollinisateurs ont complètement disparu à cause du changement climatique. C'est un récit haletant qui est diablement d'actualité alors que le changement climatique ne cesse de prendre de place sur notre planète. Et donc il y a toujours une patte graphique inimitable, hein, Mathieu Babelet, vous connaissez donc les nombreux détails de ces bandes dessinées et c'est une nouveauté donc, qui est à dévorer de toute urgence. Et pour finir donc cette petite playlist cadeau, je ne pouvais pas terminer alors que je suis au micro de Fadjet sans vous parler d'un jeu de société. Et le jeu de société de cette fin d'année qui est un best-seller, c'est le jeu de société Take Time qui est édité par Libellude. C'est l'événement de cette année 2025. Ce sont les créateurs du Dixit. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins le Dixit qui propose donc un nouveau jeu coopératif et fantastique dans tous les sens du terme. Take Time, c'est un jeu donc où la communication est limitée. C'est un jeu donc qui se joue de 2 à 4 joueurs qui doivent collaborer pour résoudre des énigmes d'horloges mystérieuses. Le jeu est chapitré et les chapitres se compliquent au fur et à mesure. Donc surtout, n'hésitez pas, foncez sur ce jeu, c'est l'assurance d'avoir plusieurs heures de divertissement en famille ou avec vos amis. Voilà pour cet agenda local qui était dédié ce mois-ci plutôt à des recommandations culturelles à l'approche des fêtes. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier donc à nouveau nos partenaires. Nos partenaires qui sont évidemment la métropole du Grand Nancy, l'office de tourisme de Nancy, l'office de tourisme de la métropole, que je ne perds pas espoir, nous aurons un jour à ce micro. Et aussi les vitrines de Nancy qui nous ont accompagnés et que nous avons accompagnés à travers une grande promotion tout au long donc de cet automne et pour les fêtes de fin d'année jusqu'aux événements du Saint-Nicolas que vous avez pu suivre sur nos réseaux sociaux. Nous allons entrer dans la dernière partie de cette émission hein, qui est dédiée donc aux recommandations culturelles des invités. Avant ça, une petite interlude musicale, ça s'appelle Only You, c'est par Dabble. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission Éclat de lumière du mois de décembre 2025. A tout de suite sur Fadjet. De retour sur Fadjet, c'est la dernière partie de l'émission Éclat de Lumière de décembre. Je suis toujours donc avec mes quatre invités de l'association du Carré Culturel Nancéen. Et nous allons donc passer à la dernière partie de l'émission. C'est le moment où on discute un petit peu de nos coups de cœur récents sur plein de sujets, littérature, cinéma, musique. Donc c'est l'heure de l'interview mise en lumière. Cette interview donc mise en lumière, elle va nous permettre donc de parler un petit peu, vous en avez l'habitude, de recommandations culturelles que vous avez donc juste à piocher, ce qui vous intéresse, hein, vous les auditeurs, vous faites ça chaque mois, chaque fois on a des petits retours, ce livre était bien, ce film était bien, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours comme chaque mois. Pour une fois, j'ai la chance d'avoir quatre invités, donc là ça va être quatre fois plus de recommandations. Prenez vos carnets, hein, vous avez intérêt. Alors, première question, quel est le dernier livre que vous avez lu ou quel est votre livre de chevet, celui que vous relisez régulièrement pour vous faire un petit peu du bien, surtout qu'il fait nuit tôt et qu'il fait froid en ce moment? Alors moi, ça va pas être très fun, mais les livres que je lis en ce moment, c'est des livres pour mon mémoire. Donc la recommandation n'est pas top. Donc, si vous voulez lire des livres sur la guerre d'Espagne et sur l'arrivée des Espagnols en France, un exemple, allez-y. Un exemple, celui que tu utilises le plus. Et bien là, dernièrement, c'est la guerre d'Espagne. Je ne pourrais plus vous dire l'auteur, mais c'est la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne. Ok, beaucoup d'ouvrages historiques. Hein, c'est ça. Léa. C'est particulier parce que, pareil, j'ai enchaîné les masters et donc les mémoires. Et donc là, j'ai beaucoup de mal à lire autre chose que quelque chose de purement historique. Et donc, en fait, là, les seules choses que j'arrive à lire pour de vrai, c'est les mangas. Et j'avoue que là, la dernière chose que j'ai lue, c'était Free Run, qui est un manga assez chouette. Eh bien, vas-y, dis-nous un petit peu si t'en as envie de nous pitcher, d'évoquer... Alors, l'histoire, c'est de manière générale sur une elfe qui, du coup, elle vit très longtemps, elle est littéralement immortelle. Et en fait, elle côtoie des mortels. Et elle se rend compte, après leur décès, je ne spoil pas, hein. Elle se rend compte, après leur décès, en fait, de l'importance des relations humaines, puisque, enfin, de l'importance des relations entre espèces, puisqu'elle n'est pas humaine, mais des relations et, en fait, ce qu'on peut construire malgré le fait que elles vivent beaucoup plus longtemps. Et en fait, je trouve que c'est un manga qui est très touchant parce que on voit vraiment l'importance des relations entre les gens. Et oui, c'est super touchant. Moi, j'adore. La première saison est sortie en animé. Là, il y a la deuxième saison qui va sortir en janvier 2026, je crois. Et moi, je lis là et c'est vraiment cool. Lucie. Alors moi, j'ai lu récemment, pour la première fois, L'étranger de Camus. Ah, pour aller voir le film. Effectivement, je suis allée le voir le mois dernier, donc je me suis dit, c'est peut-être le moment, avant d'aller voir le film, de dire, j'ai lu le livre avant de voir le film. Et voilà, c'était une lecture rapide que j'ai bien aimée, mais sinon, oui, un peu comme Léa, je suis les mangas, toutes les sorties. On va en reparler des mangas. Voilà. Mais sinon, dernier livre, oui, L'étranger de Camus. Léa. En fait, comme disait Léa, petit dialogue des schizophrènes. C'est vrai qu'avec le mémoire, etc., c'est un peu dur de lire autre chose. Un vrai sujet, hein. Et donc, moi, je cherchais des lectures simples pour juste me reposer la tête. Et donc, je lis Agatha Raisin de MC Beaton, et c'est du cozy crime, donc en gros j'avoue que une fois qu'on en a lu une dizaine ça ça y est, ça gave, quoi. Les mêmes schémas se répètent, hein. Mais c'est très reposant parce que même si c'est un peu policier, c'est pas du tout angoissant, donc voilà. Votre dernier achat littéraire. Alors là, vous n'êtes pas obligé de l'avoir lu. Qu'est-ce que vous avez acheté à part des livres pour le mémoire ou la guerre d'Espagne? Avec Lucie, on a fait un cadeau d'anniversaire à une copine qui s'appelle Lucie, justement. Et pareil, on lui a offert deux livres. Un livre de randonnée sur la Marne. Parce local. Parce qu'on a travaillé sur la Marne et du coup, ça est devenu un peu le running gag. Il faut qu'on aille dans la Marne, quoi. Et un autre livre sur le pape Pie, je ne sais plus combien. Pi 12. En rapport avec son mémoire aussi. Donc... Ah bah voilà, comme ça. Désolée. Voilà. Léa, est-ce que tu as acheté un livre récemment? Si tu n'en as pas acheté, ce n'est pas grave. Bah, en fait, j'avoue que j'achète très, très, très, très peu de livres. Je suis plus adepte des bibliothèques. Mais j'ai prévu d'acheter le nouveau livre de Laurent Jalabert sur la guerre de 30 ans. Donc, je le mets, ce sera un futur achat. On peut un peu innover. Le dernier ouvrage que tu as emprunté en bibliothèque? Alors, Saint-Louis. Ouais. Saint-Louis de Jacques Le Goff. Non, c'était... je réfléchis, c'était... Ouais, c'était sans doute un truc sur Saint-Louis. Parce qu'on a fait un exposé sur les vitraux de la Sainte-Chapelle. Donc, voilà, okay. C'est. Okay. Ici, du coup, c'est en lien. Oui, ou est-ce que tu as acheté autre chose récemment? Récemment. Non, je crois que vraiment le dernier achat littéraire que j'ai fait, c'est le petit guide de randonnée dans la Marne. Dans la Marne. Voilà. Nos auditeurs iront dans la Marne. J'espère. Ils iront avant nous, alors. Ouais. Et Léa, pour finir, est-ce que tu te souviens? Ou alors le dernier livre que tu as emprunté, peut-être que tu es amatrice de bibliothèque comme Léa? Le dernier livre que j'ai emprunté, c'est La route des abbayes, qui est folle, qui a été édité aux éditions Serpenoises et qui a été écrit notamment par Philippe Masson. Mais en fait, ça va devenir un guide touristique au fur et à mesure. Alors, un roman graphique ou un manga à conseiller? Alors, manga, j'entends peut-être aussi animé parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font les deux. Alors moi, je ne suis pas du tout dans les mangas et romans graphiques, donc vous êtes la mauvaise personne. Je pense que les Léa et Lucie pourront mieux vous répondre. Alors allons-y, les Léa et Lucie. Moi, je conseillerais toujours Toute ma vie One Piece. C'est mon manga de cœur. Après, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, Free Run, que j'adore. Et après, là, j'avoue que j'attends la suite de Jujutsu Kaisen, là. Je suis un peu... Sinon, je n'ai pas trop d'idées, je ne sais pas... Je suis pas trop dans l'actualité là. Ah si, les carnets de l'apothicaire, j'ai bien aimé. Très bien. Pardon, j'ai volé le mec de Léa. Lucie, moi pareil, One Piece, dès que ça sort, je la lecture du chapitre. Le nouveau chapitre, voilà. Après, c'est vrai que, comme Léa l'a dit, je suis pas trop dans l'actualité. C'est beaucoup, du coup, One Piece quand ça sort, mais le reste, soit je relis des mangas que j'avais déjà commencé et je me dis c'est enfin le moment pour les finir et je les finis, mais là récemment j'ai eu, alors je suis allée voir au cinéma deux animés. On en reparle après pour c'est, le cinéma. C'est pas les plus récents. Pas les plus récents, alors vas-y. Mais comme je suis allée voir le nouveau Demon Slayer, oui. Et le nouveau Chainsaw Man, et que j'avais déjà un peu commencé à les lire mais que j'avais arrêté parce que pour je ne sais quelle raison, et je me suis dit là c'est peut-être le moment de recontinuer, donc voilà, je pense que là je vais recontinuer Demon Slayer bientôt, et je conseille parce que j'avais quand même bien aimé les deux premières saisons et tout, les mangas qui vont avec évidemment. Mais oui, je conseille One Piece pour toutes les personnes qui ont peur de se lancer. Ça se lit très vite, même s'il y a beaucoup de chapitres. C'est vrai. C'est ce qu'on dit. J'ai recommencé trois fois. Pas d'excuses. Je vais remettre une couche sur les carnets de l'apothicaire. parce que je lis pas beaucoup de mangas. Je regarde pas beaucoup d'animés. Mais les carnets de l'apothicaire, c'est très bien. Remettons-en une couche. On en parlera à chaque émission dorénavant. le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma ou le dernier film que vous avez vu sur une plateforme de streaming, ça peut aussi rentrer dans cette catégorie. Alors moi, au cinéma, je suis allé voir le biopic de Bruce Springsteen dans les vacances. Oui, avec Jeremy Allen White. C'est ça. Le nom m'échappe, mais oui, je vois. Le nom m'échappe aussi. C'est un très beau film qui nous parle d'un Bruce Springsteen un peu méconnu, j'ai envie de dire. Donc voilà, je recommande. Et l'acteur est très sympa, donc n'hésitez pas. Jeremy Allen White. On le voit souvent torse nu dans le film. Ça va convaincre tout le monde, là. Léa. Moi je suis un petit peu dans l'era film de Noël. Eh ben vas-y, c'est le moment, c'est l'émission de décembre. Du coup, là récemment, on a regardé Le Grinch. Le dernier film qu'on a regardé, on a regardé Wonka avec Léa, parce qu'en fait, on a été le voir dans la période de Noël l'année dernière. Et du coup, ça rappelle un peu cette période-là. Mmh. Et du coup, on a regardé Wonka. J'en profite pour dire que c'est pas si mauvais que ce qu'on a vendu Wonka. Il y a vraiment des très bonnes choses dans le film. Moi j'aime bien les chansons. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Lucie. Bah moi, le dernier film que je suis allée voir, c'était la semaine dernière, je suis allée voir le deuxième Five Nights at Freddy's. Ouais. Voilà, j'avais déjà vu le premier la dernière, avec ma sœur et mon frère, et là, je suis retournée avec un ami, donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de continuer dans la lancée. C'était... C'est un film qu'il faut voir si on, si on aime bien la licence, je pense que... Divertissant. Divertissant. J'ai un peu une poussarde, donc j'ai beaucoup sursauté. Ah, tout bah. C'est que ça a marché, c'est que ça a voilà, marché. Voilà, ils m'ont eu. Léa Du coup, comme on les a regardés ensemble... ah bah oui, c'est vrai, Wonka. Mais toujours dans les rares films de Noël... Comment ne pas citer L'Alchimie de Noël. Oh mon Dieu, on l'a regardé aussi ensemble. Si vous voulez rire devant un film de Noël avec un peu d'histoire dedans, je peux dire, L'Alchimie de Noël. J'ai un peu peur quand c'est, tu dis le scénario, c'est un chevalier du Moyen-Âge téléporté à notre époque. Ah, mais c'est Les Visiteurs. Ouais, mais version film de Noël où du coup, il y a une romance, machin. Et c'est très drôle parce que c'est très cliché. Genre, il y a un moment où le chevalier, il rentre dans la voiture, il entend la musique et il fait « Mais où sont les ménestrels ?» J'ai explosé c'est de rire. C'est vraiment très marrant. C'est très drôle. Si vous voulez rire un peu là, dans cette période de froid, n'hésitez pas. Alors là, je sais qu'il y en a plusieurs autour de la table qui vont en avoir beaucoup, mais il faut en choisir un. Votre dernier coup de cœur musical. Oh. Eh oui, j'ai entendu, mais... C'est dur. Alors moi, je parlerai du groupe Turnstile. C'est un groupe de punk hardcore, j'oserais dire. Et c'est un groupe que j'écoute avec mes frères et mon père. J'ai pu aller les voir en concert. J'y étais avec mon frère jumeau et un ami à nous, au Luxembourg. C'était vraiment phénoménal. La salle était très petite, donc c'était trop bien. Et je rappelle pour dire que le public métal est quand même un public très sympa. Ouais, c'est que n'ayez pas peur de cette scène métal. Et écoutez Turnstile. C'est très bien. Turnstile et ils passent à Paris dans pas très longtemps, il me semble. Et ils sont passés dernièrement et ils font le festival Rock en scène, fin août. Avec Deftones le même soir, donc allez-y. C'est très rafraîchissant. Allez-y, Turnstile, c'est super. Léa, un seul, on a dit. C'est pas facile. On a le droit de donner plusieurs films et pas plusieurs recommandations musicales, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je pense que je vais dire le dernier projet de Huntril, H-U-N-T-R-I-2-Z. Le bruit de la machine à billets. C'est du rap, donc pas forcément pour tout le monde. Mais c'est du bon rap. Mais franchement, très très cool, très très fort. J'aime beaucoup Huntril de base, mais là, vraiment, le projet est vraiment sympa. Lucie. Moi, je vais conseiller Malcolm Todd. C'est un peu indie, pop rock. Voilà, c'est très sympa. Par exemple, ces deux derniers albums, c'est mes deux albums les plus écoutés de 2025. Sans surprise, c'est mon artiste top 1 de cette année. Et la chanson la plus écoutée, c'est aussi la sienne. Bon. Et récemment, j'ai eu la chance d'aller à Paris et de le voir en concert. C'est son premier concert en France. Et déjà que les musiques sont super juste à écouter sur Spotify ou autre. En live, c'était encore mieux. Donc vraiment, Malcolm Todd, son dernier album, qui s'appelle Malcolm Todd. Je recommande à fond. Je note. Parce 100% que moi, Malcolm Todd. Je ne connais pas, donc je note. Et Léa Moi, je dirais Inno Casablanca. Ah. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais dire aussi. Moi aussi, j'en ai super lié. En fait, j'ai commencé à... Enfin, j'ai découvert avec Extasia, qui est sorti le 10 octobre, j'ai vérifié. Et ensuite, avec Léa, on l'a vu au Grunfest. Et c'était vraiment génial sur scène, donc ne pas hésiter à aller le voir à l'Outre Canal le 5 février également. Il passe dans plusieurs salles en Lorraine, hein. Ouais. Il passe à Metz, il passe à Nilvange, il passe au Luxembourg, il me semble. On sera aussi, à toutes, oui. Au premier rang. Merci beaucoup d'être venu présenter votre association. C'est la fin de cette émission de décembre spéciale Culture et Patrimoine. Donc, je tiens à nouveau à remercier mes invités donc, du Carré Culturel de Nancy pour avoir accepté cette invitation. Allez faire un tour sur leur page Insta, allez faire un tour sur leur réseau. Il y a du contenu très, très cool qui arrive. Je pense qu'elles vous ont donné envie de vous y rendre. Beaucoup de choses pour 2026. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site de Fadjet et nous retrouver sur le site, évidemment, de Lumière en Art. Les deux pages Facebook, je vous les rappelle, Lumière en Art et Lumière en Art. standards officiels qui se feront également le relais donc, de cette émission. J'ajoute également la page Instagram de Lumière en Art. Et pour finir, je me joins à toute l'équipe de Lumière en Art et de Fadjet pour vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Mangez bien, offrez-vous de beaux cadeaux. Surtout, offrez de la culture sous toutes ses formes. Évidemment. C'est très important. Sortez et n'hésitez pas, lisez. Cultivez-vous, c'est la fin de cette émission Éclat de lumière. On se retrouve donc en 2026. Ciao.